celles qui font boum au milieu de l'album, de celles que tu fais repasser. Litron dans la poche traînant. Faire une chanson qui taille comme un gant, comme un bras, de celles qui te font bouger la taille et fredonner tout bas. J'aimerais ça, j'aimerais ça, yeah, yeah. Faire une chanson qui taille quand tu me dis je me taille. Je peux plus vivre avec toi. Recommencer nos fiançailles, une chanson dans la voix. J'aimerais ça, oh, j'aimerais ça.